gosse. Partout dans la rue, on croise les chiens et ça nous chagrine. Ils vont nous rendre fous, ils vont nous pousser à bout. Ouais, il faut doux. Nous vivons parqués dans un terrain vague et ça nous déprime. Ils vont nous rendre fous, ils vont nous rendre fous. Tout dans la clairière de la jungle des rois. Oh, tout, rien qu'une nuit ardente et ultime. Écoutez les incantations de la crémation. Trop tard pour foutre le camp de ce camp de concentration. Ils sont vie, levez la tête, baissez vos braguettes. Violez, qui vous voudrez, la nuit sera féroce. Féroce, ha, les temps deviennent féroces. Ils nous jettent tout droit dans la fosse. Yeah. machen können, dann kommt sowas. Non sarà mi soldi a farmi soldi. those winds. Thank you. puntereet tulee, niin me ollaan silloin kusessa. Luon puntereet tappelee kaupun kaduilla. Ja roskalehdistä väittää, et kukona kristillista. Kuinka meille silloin käytää kyllä, meitä putkaa tuskaa ihan. Syytö minä! Kun punkaroselista oli ykkösen, niin punkareita tulee yhä enemmän. Kun tunteita muuta punkareita tulee, niin me ollaan silloin kusessa. Sit punkon liikennyksen paratiisi, siitä ne sit rahaa saa. Ja mitä me siitä saadaan? Vain lisää paukkoja! Emme ole paukkoja, emme ole huijareita, emme ole rahaa. time in my mind paints a picture of total escape. Through the window there's a scene of misery, touching wearily through the kindly landscape. When I'm out here on my own, in a job but I know, I will reap by what you sow, in a job but I know. Fade is flat, I'm running through my veins, feeding off the pain of your routine existence. Nothing's gonna change since you break out all the chains. You can't see them and you have an eight chance. When I'm yeah.

locura de un estado y debe tener prisión por no haberse callado. ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje irremediable! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! Armas de los